Mais c'est pas possible ça, putain, mais qu'est-ce que tu fous? Bouge-toi un petit peu, bouge-toi! J'attends là! Excuse-moi. Quand tu lèves la main sur elle, tu vois un peu d'armes sans vergogne. Je le raconte aux collègues, tu veux quoi une médaille, connard? Puis la vapeur descend, Mirgré, c'est trop tard. Les mots n'y feront rien, ils masqueront pas les cocards. La couleur du sky est teintée par une larme de coca, s'amuse sur la rocade. Chaos sur une filière vocale. Les gosses en pyjama terrorisés, un pipé d'images déjà formaté. À reproduire adulte ses actes comme un tableau de Cézanne. Son corps gelé plus précédent, son souffle écarte. Les derniers moments de vie de couple sédent. Les gags dans la morphine, à l'hosto qu'elle s'évade. Solitude et dents, à part ses mômes, son existence est fade. Du tunnel croyait au prince et ses fables. Et toi si marrant, qu'elle t'a aimé comme jamais tu ne fus avant. Quand les cris partent, sa gorge s'écrase. Et maintenant quoi, c'est navrant. Choqué, les voisins veulent ta peau à tous les étages. Les objets éclatés attestent la rage. La tempête chasse et l'orage. Les trois bouts de chou otages de ce mariage assis sur les marches. Le bonheur prisonnier dans un espace en primark. Les cris d'amour s'effacent, viennent les coups de lac portés jusqu'au sang. Insulte juste offense, surtout après deux coups de poing dans la rate. Égoïste, ta vie on s'en tape si tu la rates. Elle partira un jour par la grande porte ou à l'arrache. Quand toi tu chialeras au maton dans la cour en tamarabe. Quand la grêle tombe, fruit de la rage, dire qu'on aime, laisser les mains passer le message. La fille malmène, et c'est elle qui subit l'orage. L'amour en crème, et le cœur retourne dans sa cage. Quand la grêle tombe, fruit de la rage, dire qu'on aime, laisser les mains passer le message. La fille malmène, et c'est elle qui subit l'orage. L'amour en crème, et le cœur retourne dans sa cage. T'es là comme un con debout, quand l'ambulance pointe. T'as les genoux qui claquent, tu pries mentalement, les mains discrètement jointes. Ton front suinte et pas de courage, regard reproche sur ton visage. La honte danse, partageant le terrain, au giro des urgences. Puis vient le temps des 100 pas en salle d'attente, craignant d'entendre ceux de tes gosses qui ne te souriront plus. Ce soir ils ont quitté la tendre, ils savent que c'est pas un coin de porte. C'est les coups que tu lui portes qui marquent son cœur, sa face. Leur haine sera tenace, l'amour se glace, laissant des traces que rien n'effacera. Et tu rougis de déshonneur devant le bleu de ses bras, le bleu de ses yeux, demandant pourquoi. Pourquoi un homme se met à boire, se retrouvant perdu dans le noir, la seule à le rassurer. Lui sera en même temps d'exutoire. Si c'est ce que tu voulais, maintenant tu l'as. Tu seras seul avec ton verre. Et tes mômes grandiront loin de toi, seul avec leur mère. T'as tout foutu en l'air, mais t'es encore trop saoul pour le voir. L'espoir reviendra pas, y'a toi qui es assez fou pour encore y croire. Le couloir s'est rempli de proches, sa famille elle t'en regarde même pas. À part son frère plein de haine, cette fois je pense pas que t'en sortiras. Blâme pas ta vie ou le stress croissant. Vu le taf manquant, on dit que c'est un jeu. Sur un coup de trop, tu perds femme et enfant. Tel est le prix du sang, sèche tes larmes, fallait y penser avant. Que son amour ne meure lentement, trahi trop souvent. Loin de ses jours heureux, étouffé par tes points brisent dans ce lien sacré, les marques sur cette angélité. Crie comment le bien que t'as fait. Quand la grêle tombe, fruit de la rage, dire qu'on aime, laisser les mains passer le message. La fille malmène, et c'est elle qui subit l'orage. L'amour en crème, et le cœur retourne dans sa cage. Quand la grêle tombe, fruit de la rage, dire qu'on aime, laisser les mains passer le message. La fille malmène, et c'est elle qui subit l'orage. L'amour en crème, et le cœur retourne dans sa cage. Where's love? Where's